On dit qu'on est trop jeune pour tomber. Mais ils savent pas ce qu'on porte sur le dos. On prend des coups qu'on mérite pas, mais on les encaisse. À 20 ans t'as déjà vécu des guerres que personne confesse. On dort mal, on vit vite, on souffre en silence. On s'habitue à la douleur comme si c'était une évidence. On fait les durs mais au fond on tremble un peu. On retient nos cris pour pas que le monde écoute nos aveux. On avance seul, même entouré de gens faux. On apprend que l'amitié se brise comme du verre trop tôt. Trop jeune pour tomber mais on tombe quand même. La vie frappe fort mais on garde le thème. Trop jeune pour tomber mais on tient le système. On encaisse tout même quand personne nous aime. On veut tout réussir mais on doute chaque jour. On cherche un sens, un repère, un retour. La rue t'apprend vite à fermer ton cœur, à jamais montrer ta faiblesse, même dans les pires heures. On prend des décisions qu'on regrette parfois, mais on avance parce qu'on n'a pas d'autre choix. À 20 ans t'es censé briller comme jamais, mais souvent t'es juste fatigué, seul paumé. Trop jeune pour tomber mais on tombe quand même. La vie frappe fort mais on garde le thème. Trop jeune pour tomber mais on tient le système. On encaisse tout même quand personne nous aime. Trop jeune pour tomber, mais debout malgré la tempête. On continue même quand tout nous arrête.